Mais la norme, c'était combien? 2 violons par semaine? Le gars qui faisait passer 3 violons par semaine restait pas dans la lutte. Il aurait gagné même pas de Covid. 2 violons, c'était passé. Il fallait faire 3. Tous ceux qui sont restés dans la lutherie, dans les ateliers, ont travaillé aux pièces vers les années... Parce que j'ai eu comme un début de récession à la lutherie vers les années 34-35. Mmh. Il fallait qu'ils fassent tous leurs 3 violons. Et d'ailleurs, à cette époque-là, il y en a beaucoup qui sont partis dans l'armée, dans la gendarmerie, dans... C'est ça. Tout ça, hein. Mais je connais, moi, des gens qui faisaient 3 violons par semaine. Hein.